19, activation orale, avoir l'air, être et négation. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez... 1. Mireille a l'air gentille. Et vous répondez... Peut-être, mais elle n'est pas gentille du tout. Ou bien vous entendez... 2. Vous avez l'air fatigué. Et vous répondez... Peut-être, mais je ne suis pas fatigué du tout. On y va. 3. Elle a l'air fragile. Peut-être, mais elle n'est pas fragile du tout. 4. Les jeunes gens ont l'air sportifs. Peut-être, mais ils ne sont pas sportifs du tout. 5. Elle a l'air fatiguée. Peut-être, mais elle n'est pas fatiguée du tout. 6. Il a l'air méchant. Peut-être, mais il n'est pas méchant du tout. 7. Vous avez l'air malade. Peut-être, mais je ne suis pas malade du tout. 8. Fido a l'air méchant. Peut-être, mais il n'est pas méchant du tout.